ouais. Toujours là, ouais. Posé sur le beat, vas-y balance. Je me répands dans cette ville comme du gaz toxique, nocif. Apprécie le mec pressé sortant des récifs. Je fais pas ma BA, mais les MC restent bouche bée. Te paye tous, veulent connaître le film jusqu'à ma BO. Quitte à viser haut, autant viser la lune. Trônant comme un parrain entouré de blondes et de brunes. Entre fantasme et réalité, je veux que mon flow soit éternité. Bien loin de toutes ces banalités. Conquérir les cieux, même sans l'aide du THC. Mes désirs de grandeur, malgré moi, sont souvent tracassés. Pas le temps de rester là, le temps mort est passé. Un esprit gigantesque dans un corps de chétif compressé. Apprécie, c'est ça, apprécie ma prestation. Pas de coussi coussa, sans bien ma contestation. C'est quand y'a du buzz à se faire. Je veux faire des grands pas comme Gulliver. Je veux tout niquer sur le terrain. Représente aussi pour mes frères. Pas de mépris, faut que ça fasse des débris. Tu possèdes Jericho, on a le guébri. Pas de mépris, partout où les étoiles brillent, omniprésent partout. Le buzz n'a pas de prix. Pas de mépris, faut que ça fasse des débris. Tu possèdes Jericho, on a le guébri. Pas de mépris, partout où les étoiles brillent, omniprésent partout. Le buzz n'a pas de prix. Ouais. Et mon style qui claque, et mon style qui bloque, et mon style qui claque, et mon style qui bloque, et mon style qui choque, et mon style qui claque, et oh, derrière le micro. Personne ne peut me charter, je te fous l'indiac comme Carton. C'est le beat que je viens tarter, wanted comme les Dalton. Là où les autres apprécient la stagnation, je me répands dans la nation, lyrique à l'émanation, car jamais ma ration représente pour ma putain de génération. Vas-y, mets-moi ce putain de topi que je kill dans mes sessions. Ambianceur pour la bonne vibe, telle est ma mission. Vas-y, colporte mon blaze, ouais, sans rémission. Eh ben, on direct apprécie le compte rendu. Y'a pas sur des feuilles OCP. Nos langues sont pendues. Pas de mépris, faut que ça fasse des débris. Tu possèdes le Jericho, on a le guébri. Pas de mépris, partout où les étoiles brillent, omniprésent partout. Le buzz n'a pas de prix. Pas de mépris, faut que ça fasse des débris. Tu possèdes le Jericho, on a le guébri. Pas de mépris, partout où les étoiles brillent, omniprésent partout. Le buzz n'a pas de prix. Le buzz n'a pas de prix, ouais. Toi-même tu sais.